Chapitre 10e dans le mystère de l'In Pace. John Dudley était aux anges. La belle fête organisée pour pendre la crémaillère au palais Pizzano était pour le lendemain et promettait d'être un succès. Depuis la découverte que les deux détectives avaient faite dans le logement du marquis, ils ne cessaient de veiller la nuit, se relayant l'un l'autre, prêts à toute éventualité. Farrell, aux aguets, venait d'entendre dans le couloir un bruit presque imperceptible qui le mit sur ses gardes. Il allait se glisser dans la pièce voisine pour donner au colonel une alerte discrète, mais déjà le vieux limier était à ses côtés. Il avait l'oreille fine et avait lui aussi perçu le bruit étouffé d'un pas feutré. « C'est notre homme !» murmura-t-il tout bas. Il faudrait savoir de quel côté il se dirige. Avec d'infinies précautions, il entr'ouvrit la porte. Le couloir était dans la plus profonde obscurité quand soudain, un mince ray de lumière apparut à distance, détachant nettement une silhouette vue de dos. L'apparition était spectrale. L'ombre sinistre avançait, glissant toujours sans bruit vers la salle à manger, dont la porte était éclairée maintenant d'une faible lumière. Les deux policiers, au seuil de la chambre de Farrell, suivaient tous ses mouvements d'une prodigieuse souplesse. Ils reconnaissaient aisément le pyjama noir et la coiffe qui recouvrait la tête, la faisant paraître toute ronde. Pas de doute possible, c'était bien Luciano Santonelli qui venait de faire son coup, en jugé par les poches du vêtement bourrées, gonflées de son butin. Farrell poussa son maître du coude, n'attendant qu'un ordre, un signe pour sauter d'un bond sur leur proie. D'une pression de la main, le vieux limier lui enjoignit de patienter. La porte de la salle à manger avait silencieusement tourné sur ses gonds et l'homme pénétrait dans la pièce. Sa lampe sourde projetait maintenant un rayon lumineux qui, brusquement, alla frapper de sa lueur blafarde l'image de femme encastrée dans l'un des murs. S'effaçant du mieux qu'il pouvait, le dos aux parois du couloir, les policiers avançaient pas à pas sans rien perdre de la scène qui se déroulait là-bas devant leurs yeux. Le panneau au portrait avait lentement tourné sur lui-même, laissant béante une ouverture fraîchement et grossièrement percée dans la maçonnerie de la muraille. « À nous !» glissa le colonel à l'oreille de son compagnon. Ils étaient parvenus dans la cage qu'éclairait profusément soudain la lampe du ruffian. Le spectacle qui s'offrit alors à leur vue dépassait tout ce qu'ils avaient pu imaginer. À terre gisait une masse informe, enveloppée, qui révélait seulement une tête de mort et de ci de là des restes décharnés, squelettiques, les ossements de deux mains demeuraient crispés. Cette horrible dépouille, qui ne pouvait être que celle de Gioconda Pizzano, était enveloppée dans les plis en lambeaux de ce qui avait dû être une riche robe de brocart. La position même du squelette accusait les affres terribles d'une lente agonie, les souffrances inouïes qu'avait endurées la morte vivante. C'était un spectacle inoubliable dans son horreur, mais tout aussi il en jaillit l'éclat éblouissant des pierreries sur lesquelles se portaient les rayons de la lampe que Luciano tenait en main. Il s'était baissé pour les prendre et déjà les glisser dans ses poches ou aller rejoindre son autre butin, quand il se sentit ceinturé par deux bras puissants qui paralysaient ses mouvements. Sous l'étreinte, il eut un cri de rage et laissa tomber sa lampe qui se brisa. L'obscurité, néanmoins, ne dura que l'espace de quelques secondes et brusquement toute la salle à manger s'éclaira d'une lueur intense. L'attaque avait été donnée par Farrell, tandis que son compagnon, repérant l'un des commutateurs, faisait jouer la lumière. Dans leur lutte, le jeune détective et le bandit avaient roulé à terre, mais ce dernier, malgré toute sa force et sa souplesse, avait pu être enfin maîtrisé, et rapidement le vieux limier lui emprisonnait les poignets dans deux bracelets d'acier. Santonelli venait de reconnaître ses assaillants. « Le colonel » hurla-t-il avec un horrible juron. « Non, » fit l'autre avec un rire de triomphe. « Tu te trompes, marquis. Pas de colonel Charles Mitchell, mais Ned Bjork, le vieux détective, et son jeune élève, Romain Farrell. » Le bruit de la lutte acharnée, celui des voix aussi qui allaient en s'élevant, avait donné l'alarme dans le palais. De toutes parts accouraient maintenant certains des invités, arrachés en sursaut à leur sommeil. Des domestiques survenaient en toute hâte également, et en quelques mots, le pseudo-colonel expliqua le drame qui s'était jadis joué dans ce trou béant et la tragédie qui venait de s'y dérouler. La vue du squelette tombé en poussière motiva quelques cris de femmes apeurées, et dans le brouhaha général, on prêtait moins d'attention aux prisonniers. Le ruffian vit là son salut, et sentant l'étreinte de Farrell se relâcher, vivement il se dégagea, et fendant la foule qui s'écartait instinctivement sur son passage, il s'enfuit, courant à perdre haleine. Mais les spectateurs de cette scène étrange s'étaient bien vite ressaisis, et ce fut alors une folle galopade dans les couloirs du palais. Le bandit, toutefois, avait de l'avance et connaissait tous les tours et détours de la demeure, tous ses coins et recoins, était parvenu à se dérober à la vue de ses poursuivants, bien qu'il fût serré de près. De guerre lasse, on revint au logement du marquis qu'on avait déjà visité. John Dudley, suivi de Bjork, dans sa précipitation, buta dans un corps tombé à terre. C'était le marquis Luciano Santonelli. Les mains encerclées des menottes, il n'avait pu songer à se défendre, et voyant la partie perdue, avait résolu de mourir plutôt que d'être pris. Il avait porté ses mains à ses lèvres, et de ses dents avait brisé le chaton d'une bague qui toujours ornait l'un de ses doigts. Dans ce chaton se trouvait un poison qui ne pardonne pas. Épilogue. Le ruffian s'était fait justice. On découvrit dans les poches de ce sinistre pyjama noir tous les bijoux qu'il avait rasiés dans sa dernière équipée. Ceux-ci furent aussitôt remis à leurs divers propriétaires, tandis que le milliardaire, atterré, se confondait en excuses sur cet inimaginable cambriolage. Quant aux joyaux découverts dans la cache secrète, c'étaient ceux de Lady Desmond que Santonelli avait rapportés d'Amérique. Neil Bjork tint à les remettre lui-même à la grande dame anglaise en déclarant, avec un sourire malicieux, « Je vous avais bien dit, milady, que vous retrouveriez vos inestimables bijoux et que je mettrais la main au collet de votre voleur. Vous voyez qu'il ne faut jamais désespérer de rien. Tout vient point à qui sait attendre. » On ne pendit pas la crémaillère au palais, et John Dudley, dégoûté à jamais de cette demeure seigneuriale, en est parti sans espoir de retour. Le palais Pizzano est à vendre. Ainsi s'achève la cache secrète par H.R. Bustin.